بالأكوان والقدر سبحان من أظهر التوحيد للبشر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue à cette série de cours où on va traiter des leçons à tirer de l'histoire entre Al-Khadr et Moussa alayhi salam. Cette histoire entre Al-Khadr et Moussa alayhi salam se trouve dans sourate Al-Kahf, qui est une sourate qu'il faut lire tous les vendredis. Moussa, qui est un messager d'Allah, va rencontrer Al-Khadr. Ensemble, ils vont vivre différents événements qui vont nous apprendre la patience à Sabro et d'autres choses dont on peut s'en servir dans notre vie de tous les jours. Cette histoire commence à partir du verset 30 de la sourate Al-Kahf qui dit « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمَدِيَ حُقُبَ » Donc dans la traduction approximative, Allah Ta'ala il dit « Rappelle-toi quand Moussa dit à son servant « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, même si je dois marcher des longues années de marche. Pourquoi Moussa est prêt à marcher des longues années? Et ne pas arrêter sa marche tant qu'il n'est pas arrivé à sa finalité? Tout simplement parce qu'il veut rencontrer Al-Khadr. Pourquoi il veut rencontrer Al-Khadr? Pourquoi Moussa alayhi salam veut rencontrer Al-Khadr? La réponse va nous être donnée dans un hadith authentique qui dit que Moussa alayhi salam était dans une assemblée de Béni Israël. Lorsqu'un homme est venu chez lui et lui a dit « Est-ce que tu connais une personne plus savante que toi ?» Et Moussa alayhi salam dit « Non ». Et par la suite, Allah lui révèle. Allah Ta'ala révèle à Moussa. Il dit, si, notre serviteur Al-Khadr. Et Moussa demande le chemin, la voie pour rencontrer Al-Khadr. À qui Allah Ta'ala a donné une science que Moussa alayhi salam n'avait pas. Donc parmi les leçons qu'on peut tirer de ce premier passage, c'est que ça fait partie de la compréhension du savant de se déplacer pour acquérir la science. À ce sujet, on a Al-Qurtubi qui dit ça fait partie de la bonne compréhension du fiqh du savant qu'il voyage pour chercher à augmenter la science et qu'il cède sur ceci d'un serviteur et d'un compagnon. Et également, ça fait partie de la bonne compréhension de saisir l'occasion de rencontrer les gens qui ont du mérite, les savants, même si la région dans laquelle il se trouve est loin. Ceci était l'habitude des prédécesseurs pieux. Donc à travers ce récit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Moussa alayhi salam était prêt à parcourir une longue distance pour rencontrer Al-Khadr, pour acquérir une science. À travers ce récit, on voit aussi que Al-Fiqh, la bonne compréhension dans la religion, c'est le fait de se déplacer pour acquérir la science. Quelqu'un qui se déplace pour acquérir la science, quelqu'un qui va loin, qui marche, qui prend une certaine distance pour acquérir la science, on dira que c'est quelqu'un qui a compris le din. Il fait partie des fuqara fid din. Il a le fiqh fid din. Et il nous a été rapporté par Al-Bukhari que Jabir ibn Abdullah a voyagé une distance qui vaut plus de un mois de marche, donc qui vaut plus ou moins un mois de marche, vers Abdullah ibn Anis pour un hadith. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Donc je répète tellement que c'est beau. Jabir ibn Abdullah a voyagé d'une distance qui vaut un mois de marche vers Abdullah ibn Alis pour un hadith. La ilaha illallah. Donc les salafs voyageaient d'une distance de un mois de marche pour un hadith, pour acquérir un hadith. Donc c'est malheureux de voir certains jeunes, certaines personnes qui organisent un cours. Il y a un rappel qui se fait, qui sera profitable, inshallah, parce que tout ce qui parle d'Allah Ta'ala est profitable. Et la distance à parcourir pour écouter ce rappel, pour écouter ce cours, est d'un quart d'heure. Et de 10 minutes. La personne dit, ah non, c'est trop loin. Ah non, c'est trop loin, donc je n'ai pas envie de me déplacer. Subhanallah. Que fais-tu de Jabir ibn Abdullah, qui a parcouru une distance de un mois de marche pour un hadith? Que fais-tu de la sourate Al-Kahf, que tu lis chaque vendredi, verset 60, où Moussa alayhi salam, qui est prophète, qui est messager d'Allah, qui va rencontrer une personne qui a moins de mérite que lui, qui n'est pas prophète, qui n'est pas messager d'Allah, qui a une science que Moussa n'a pas, et il est prêt à parcourir des longues années. Des longues années. Et à son époque, il n'y avait pas le métro, il n'y avait pas le bus, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas le vélo. Mais Moussa alayhi salam est prêt à parcourir des longues années pour acquérir une science auprès de Al-Khadr qui n'avait pas. Et on lit la sourate Al-Kahf. Et on sait ça. Et l'on sait. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit non, moi c'est loin. Je n'ai pas envie d'aller chercher la science parce que c'est loin de chez moi, c'est un quart d'heure de chez moi. Qu'est-ce que ça prouve ici? Ça prouve que on n'est pas prêt à affronter la difficulté pour avoir des choses qui vont nous profiter. Et ce même problème, on le retrouve chez des jeunes qui n'apprennent pas la langue arabe. Pourquoi? Parce que apprendre la langue arabe, il y a la difficulté dedans. Apprendre la langue arabe, il y a la difficulté dedans. Et comme il y a la difficulté d'apprendre la langue arabe, je n'apprends pas la langue arabe. Subhanallah. Or que ce récit nous montre que lorsque tu veux avoir quelque chose de profitable et que tu dois passer par des difficultés, les difficultés, la distance, etc. ne doivent pas être un frein qui doit te stopper pour acquérir cette chose profitable. Et aujourd'hui, on vit une époque où les gens veulent tout avoir facilement, veulent tout avoir sans passer par des difficultés. À cause de quoi? À cause du fait qu'on a grandi dans la satisfaction immédiate. À cause du fait qu'on a grandi dans la satisfaction immédiate. C'est quoi la satisfaction immédiate? La satisfaction immédiate, c'est le fait de vouloir tout avoir tout de suite, avec facilité et sans passer par la difficulté. Exemple, c'est que, oui, quand on arrive à l'arrêt de bus, on veut que le bus vienne vite. 5 minutes, il doit vite arriver. Non, si on doit attendre un quart d'heure, ce n'est pas bon. On va au restaurant, ça doit être vite cuit. On va au snack, ça doit être vite cuit. L'arrêt de bus doit se trouver le plus proche de chez moi. Mon école doit se trouver proche de chez moi. Je vais avoir un diplôme sans trop étudier. Ça s'appelle tout vouloir. Ça s'appelle, pardon, avoir tout vite. La satisfaction a grandi là-dedans. Or que dans l'islam, al-ajar, la récompense, elle est dans la difficulté. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que celui qui lit le Coran avec difficulté, il a plus de hasanat que celui qui lit le Coran avec facilité. Et ce problème de vouloir tout avoir avec cette facilité, c'est propagé chez certains musulmans aujourd'hui dans leur ambition d'avoir un état islamique. Certains musulmans veulent avoir un état islamique sans passer par la difficulté. Ils veulent avoir un état islamique très vite. Très vite. Sans passer par la difficulté. Et pour cela, ils utilisent les voies de la démocratie. Ils utilisent les voies du parlement. Il dit, on va rentrer dans le Parlement, comme ça on va vite avoir l'été islamique, sans connaître la difficulté. Mais cette voie-là, qu'est-ce qu'elle a amené? On a vu ce qui s'est passé dernièrement avec les Ikhwan. Les Ikhwan, les Muslimoun, ils ont voulu avoir la Sharia, l'été islamique en Égypte, par la facilité, sans passer par la difficulté, ils l'ont perdu. Et il a bien raison, le Cheikh Omar. Le Cheikh Omar, qu'est-ce qu'il a dit, le Cheikh Omar? Il a dit, ce qui est acquis par la facilité est perdu facilement. Et ce qui est acquis par la difficulté est perdu. Ce qui est acquis par la facilité, on le perd facilement. Ce qui est acquis par la difficulté, il y aura beaucoup de difficultés. Ça sera difficile qu'on le perde. Comme les héros. Les héros musulmans. Ils ont voulu avoir l'État islamique, mettre chez les rats, par la voie de la facilité. Et un an après, ils l'ont perdu facilement. Ils l'ont perdu facilement. Après un an, ils l'ont perdu facilement. Prouve bien la parole du cher. Omar, quand tu vas avoir quelque chose par la facilité, mais tu la perds facilement. Tandis que quand tu as quelque chose par la difficulté, tu as eu quelque chose par la difficulté, mais tu auras difficile à le perdre. Car tu sais tous les sacrifices que tu as dû faire. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui sont morts. Tu as sué. Tu as dû passer par des choses très difficiles pour avoir ce que tu as voulu avoir. Et le jour où on voudra te le prendre, on aura difficile à te le prendre. Car tu connais la valeur de la chose dont tu possèdes. Pourquoi tu connais sa valeur? Pourquoi tu connais sa valeur? Parce que il y a eu une difficulté à l'avoir. Et fuir la difficulté a des grandes conséquences, notamment dans la aqida. Parmi les conséquences qu'elle a dans la aqida, c'est qu'elle diminue la confiance en Allah. C'est qu'elle diminue la confiance en Allah. Pourquoi? Parce que la personne, elle voit la difficulté pour acquérir une chose qui va le profiter comme un mur infranchissable. Comme il le voit comme un mur infranchissable, sa confiance en Allah diminue. Et il n'invoque plus Allah Azzawajal pour l'aider à franchir ses difficultés. Pourtant, Allah Ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à côté de la difficulté, il y a la facilité. À côté de la difficulté, il y a la facilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans une dua, dans une invocation, d'invoquer Allah Azzawajal lorsque une chose elle est difficile pour qu'il la facilite. Et celui, à chaque fois qu'il rencontre une difficulté, il évite, ça va diminuer sa confiance en Allah. Et il n'invoquera pas Allah Azzawajal. Et le fait qu'il ne va pas invoquer Allah Ta'ala, ça aura une conséquence dans sa aqida. Combien de frères ne veulent pas faire la hijra? Et quand on leur dit, pourquoi tu ne fais pas la hijra? Non, parce que dans la hijra, il y a des difficultés, je ne vais pas manger comme je mange en Occident, je ne vais pas vivre comme je vais vivre en Occident. Et à cause de cela, il ne fait pas hijra. Pourquoi? Car il y a la difficulté dedans. On va terminer ce cours en citant deux moyens qui nous aident à affronter les difficultés par lesquelles on doit passer pour acquérir quelque chose qui va nous profiter. Premièrement, il faut évaluer ce qu'on va gagner en affrontant cette difficulté par laququelle on doit passer pour avoir ce qui va nous profiter. Quand tu affrontes une difficulté, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes la confiance en Allah. Si tu invoques Allah Azzawajal pour qu'il t'aide à retirer ces difficultés-là, qu'est-ce que tu gagnes également? Tu gagnes une récompense, un grand ajar. Tu gagnes une proximité avec Allah Ta'ala. Tu gagnes l'amour d'Allah Ta'ala. Tu gagnes la patience, as-sabr. Tu gagnes la multiplication des hasanets. Car lorsque tu es éprouvé à cause d'une difficulté que tu dois affronter pour acquérir un profit, il y a la patience. Il y a la patience qui arrive. Il y a la patience qui est là. Et quand tu patientes et que tu fais une action, l'action elle vaut double, comme Allah Ta'ala nous a informé dans le Coran. Donc, il y a aussi le fait, dans l'aisance, s'exercer à vivre certaines difficultés, comme le fait de jeûner, surtout quand il fait chaud. Et les salafs, ils aimaient bien jeûner lorsqu'il faisait très chaud. Parce que jeûner, quand il fait chaud, il y a une difficulté en plus du jeûne. Et le fait qu'il y ait une difficulté en plus du jeûne rend cette action encore beaucoup plus profitable. Dans le sens que cette action faite dans une forte chaleur, faite dans une difficulté énorme, augmente les hasanets, augmente la proximité vis-à-vis d'Allah Azawajal. S'habituer à dormir sur le sol, faire des ablutions avec de l'eau froide, et aussi résister contre les tentations. Barakallahu fikum, alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah.